J'irai pisser pendant Serge Gainsbourg. Bienvenue à tous après 2 semaines d'absence, j'espère qu'on vous a manqué. Bienvenue dans On s'écoute ça tout de suite avec toujours le grand, le seul, l'inimitable Vincent. Merci, merci. C'est très sobre le merci. Hein. Oui, mais la modestie est un de tes principaux traits de caractère. Je sais. Et cette semaine, nous avons un invité. Vous le connaissez déjà, mais vous ne connaissez peut-être pas son nom. Et pas des moindres, si je puis dire. C'est moi, c'est Jason. C'est Jason. Enfin, si vous écoutez les cours des miracles, normalement vous me connaissez. Parce que c'est vrai. Je suis quand même le meilleur chroniqueur. Oui, c'est vrai, c'est le meilleur chroniqueur. Nous en cachons pas. Exactement. C'est aussi le grand patron de notre charte graphique, de notre logo. Hein. Voilà, exactement, c'est notre designer, celui à qui on doit ce magnifique logo qui orne la photo de profil de notre page. Beaucoup de superlatifs dans cette introduction pour parler de vous. Ouais. Vous devriez être touché. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? D'habitude, vous savez, on a un thème bien précis. Cette semaine, on fait plus un concept, c'est-à-dire le concept open bar. On tire le nom de Vincent. C'est-à-dire que chacun choisit un morceau qui lui plaît, sans lien direct, juste le lien de l'amour. Pas de style, pas cette de période. Semaine, c'était le podcast de l'amour. Et on va commencer tout de suite. Avec moi, parce qu'on va s'écouter une petite chanson des Hives. Donc, un groupe de garage suédois créé en 1993, mené par le talentueux Pelle. Lui, il s'appelle Pelle Armvist. Pelle ou Pelé? Je sais pas, peut-être Pelle, hein, c'est peut-être classe en Suède, hein, je sais pas. Ouais, ça roule. Alors, ils sortiront leur premier album en 1997 avec Barely Legal, ou Barely Legal, comme je disais au collège. Ah ouais, moi aussi, ouais. Tu l'as écouté, des Yves. Et donc, ici, on va s'intéresser à leur quatrième album qui est sorti en 2004, sous le nom meilleur. De Tyrannosaurus Eyes. Oui, certains disent que c'est le meilleur, je sais ouais, pas ouais, si je pense meilleur. Que c'est le meilleur. Et on va s'écouter tout de suite Little More for Les Toolies. You. Et voilà, vous venez d'écouter mon morceau préféré de l'album. Parce qu'il est classe, il faut le dire. Ah, c'est vrai qu'il est cool. Il est classe. C'est vrai qu'il est bien. Alors moi, j'aime beaucoup le côté un petit peu décalé et fantasque des Apes. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Et j'aime bien leur côté décalé un petit peu dans leur com aussi. C'est pour ça que j'aimerais vous parler de Randy Fitzsimmons. Et qui est donc Randy Fitzsimmons? Ce serait apparemment leur manager de l'ombre un petit peu, parce que personne sait s'il existe vraiment en fait. On l'aperçoit plusieurs fois normalement notamment dans le clip de Main Offender. On voit sa main signer. Ouais. On voit sa main qui signe le contrat. Et ils ont entretenu ce mythe un petit peu au travers de pas mal de trucs normalement, notamment sur la pochette de cet album, notamment Tyrannosaurus Hives, où on voit au dos 6 paires de pieds alors qu'il y a que 5 membres. À qui appartiennent ces deux derniers pieds? On le saura peut-être jamais. Certains disent que c'est Iggy Pop. Oh, je sais pas s'ils ont. Certains disent que c'est le guitariste, lui-même. Moi j'ai lu des théories là-dessus, hein, si je peux me permettre. Hein, peut-être mais que je tu te permets. Ce serait apparemment le guitariste, ce serait le nom d'emprunt du guitariste pour faire signer les chansons en tant que compositeur. Pour garder sa vie privée, voilà, il y a un truc comme ça. C'était un peu pour protéger sa vie privée. Comme ça, il reçoit les chèques au nom du manager et pas à son nom. Il y a aussi peut-être un truc fiscal derrière, je sais pas. Voilà. Intéressant, très intéressant. Alors nous, on va changer complètement de style là. Donc on est en... Trombone. Non, pas encore. Là, on est en 1993. Il y a deux producteurs anglais qui sont passionnés de jazz, parce qu'on parle jamais de jazz là-dedans, je sais pas pourquoi. Ils sortent un disque très original avec l'aide de trois autres MC londoniens. C'est groovy, c'est funky. On s'écoute ça tout de suite. Kid, bust this. It's time to drop the flavor. I'm fly as can be. I'm rhyming on my good behavior from New York City. Kicking dope lines at your saver. Take it from the top. I cut MCs just like a razor. It's time to kick, cause I always do the trick. The shit that you always popping all amount to a flick. Stick niggas up with the hype rhyme filled with ammo. Blast on the past bullets passing through your abdomen. When 10-10, I troop in a bends. My friends is down in the dumps, cause I catch in on the winds. Hens and chickens laying low. Sucker niggas don't know that I can kick the mabulous. It's plus a record. In every show, so what up? You got static, cause I'm better than the next chump. Then don't panic, cause I'ma wet you with my skills. Still chill, got the crispy bills, cause it's like that. The way it is, get off the deals, and it's like that. And it's like that. And yo, you got to give me props, I'm on my way to the top. Stop. I think I just heard a pin drop, cause you're stunned by the way I came off my headset. Turn up hacks a burner and I put Hester bed fed up, but I'm still just too legit to quit. I sit in my girlie's lap while I'm kissing on her lips. Girls love to lick them up and down and all around, but only if they sexual history is sound. I'm a brown skin medallion, codename Mike Stallion. Taking over brothers at a Dillion and Dallion. I'm rallying like Al Sharpton, militant youth. Booth built for the DJ, hooked up for soundproof. Seeing is believing, yo, believing is my method, so believe me when I say that it's the party that I'm wrecking. Sinbad the sailor couldn't take me out, and I hope your ass don't take that route. And it's like that. And it's like that. So break it down for me, fellas. And pave way while I slay Hasi and Rasana down into the breaker thing. And like he, man, I have the power. I like my chicken from the Chinaman, but make it sweet and sour. Devour all of the whack MCs. And when I win surf, nature gives me a breeze. Cause it's a new jack, kicking rhymes like Jackie Chan. I got a year round 10, cause I'm a brother man. I'm traveling in style, I gotta pass the first class. Cause it's time to give rappers some pizzazz. So, the B-boys from Brooklyn, breaking bones through the bucks. I never ever sell out, but I still own a tux. I made short work of your crew. I see the beast master kick the funky for you, and it's like that. And it's like that. And it's like that. Et voilà, c'était donc Usri, je vous ai pas dit le titre tout à l'heure, Usri avec X, It's Like That, pardon. Donc je vous disais que le groupe était à l'initiative de deux producteurs, comme j'ai dit avant, Geoff Wilkinson et Mel Simpson, qui en fait ont chopé des samples de morceaux de jazz très célèbres, et les ont mixés en mettant un mec qui rappe dessus, c'était ça leur concept. Ils ont d'abord sorti un maxi sous le nom de NW1 featuring Born To Be sur un petit label qui s'appelle Ninja Tune, que certains connaissent, c'est un petit peu underground à Londres. Et ils se sont fait remarquer par un autre label qui s'appelle Blue Note. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Ah, si, Blue Note, oui. Blue Note, voilà, c'est le label. Là, vous ne voyez pas mes notes, mais c'est marqué le oui, en gros. Il y a écrit en majuscule. Exactement, c'est le label mythique du jazz. Dessus, on retrouve par exemple tout le monde, en fait, tout le monde dans le jazz. Il y a Miles Davis, il y a Herbie Hancock, Sonny Rollins, Theophilus Monk, il y en avait vraiment plein. C'est comme si on trouvait sur un même label les Beatles, les Rolling Stones, les Floyd, les Stooges, Ron Voisin, les To Be Free, la mère de Vincent, qu'on salue au passage. Et Nickelback. Et Nickelback, voilà, il y a vraiment, vraiment tout le monde. Et vous savez pourquoi Blue Note les a repérés ? Non. C'est parce qu'en fait, les morceaux utilisés dans leur truc, qui s'appelait, j'ai oublié le nom, j'aurais dû le noter, de Band Played Boogie, c'est ça ? Oh. étaient des morceaux, en fait, qui appartenaient à Blue Note, et eux, ils n'avaient pas demandé les droits. Ah bah, du forcément. Coup, Blue Note leur a dit « Eh les mecs, vous savez quoi ? Vous venez chez nous et on vous fait pas chier. On vous fait faire un album et on abandonne toutes les poursuites. » Et du coup, en fait, grâce à ça, ils sont allés chez Blue Note et ils ont eu droit à tout le catalogue. Ouais, d'utiliser vraiment tout le catalogue. Ça vaut le coup des fois de s'en payer également. Ouais. C'est une belle leçon de vie, je trouve. Voler les chansons des autres, ça peut. Et attends, c'est pas fini parce que en 93, du coup, sort End of Torch, l'album dont on a tiré l'extrait qu'on a écouté là. Sous le nom de Usri, du coup, c'est avec leur nom, et c'est un méga succès. L'album devient le premier à dépasser le million d'exemplaires sur l'album, sur le label. Alors ouais. Qu'ils avaient tous les meilleurs jazzmen du monde, ça faisait déjà 54 ans qu'il existait, il était 1939, j'avais, et c'est les premiers disques de platine du label. Voilà, ah, c'est le petit Bien conte réussite. De Usri. Bon bah c'est cool les mecs, c'est comme pour les jeux de société, c'est toujours moi qui joue en dernier, hein. Merci, ça fait plaisir. Bon bah, The Libertines, hein, groupe de Karl Barat, Pete Doherty, groupe majeur de la scène londonienne, hein. Vous appréciez, vous connaissez, oui. J'écoute pas trop. Ah moi j'étais un grand fan des Libertines. C'est génial. Alors, The Libertines, avant tout une pelletée de bons morceaux, hein. Time for Heroes, Don't Look Back into the Sun, alors on pourrait tous les citer carrément. C'est aussi deux excellents albums, Up the Brackets, The Libertines, l'album éponyme. Et c'est justement sur ce deuxième album que je vous propose qu'on s'arrête quelques minutes avec un morceau qui n'est pas des plus connus, mais je vous ai choisi Tombland's. Tombland's, comme on dit. Tombland's. Comment on dit avec l'accent anglais, Jason ? Tombland's, pour nos auditeurs anglais. Tombland's, voilà. Et on s'écoute ça tout de suite. High register operational. Gouging sky leaves silent, the bodies are ruined. Never an honest day's work is done, they call it a too long. This party is no, they're never gonna get me no. Never gonna get me no. Never gonna get me no. Oh, 15 holes in the dealer's chest. Yo ho ho, it was a mini motel man. Some of those and some of the rest, pieces of eight in the jukebox. Oh, you know, didn't wanna be the one to tell you. She was only 14, so sad and dirty, sold in little things. cette atmosphère brute, hein, ce dialogue incessant entre les deux guitares. Moi, ça me plaît. Alors, j'ai écrit ces lignes au Bistrot de Rennes 2 en buvant un café, parce qu'il faut savoir que Bistrot de Rennes 2 diffuse à 90% du Ed Sheeran. Et moi, j'en avais ras le cul d'entendre que du Ed Sheeran, donc je me suis mis un petit tombe. Tu sais quoi, je savais même pas qu'il y avait un bistrot à Rennes 2. Mais oui, on peut boire du café, c'est très sympa. Du café à 54 centimes. 60 centimes. Alors, pour revenir brièvement sur l'album, si vous l'avez écouté, Noé, tu l'as écouté, qu'est-ce que tu penses de l'album? Bah, il est vachement bien, le deuxième album, mais il s'est fait vraiment dans des conditions particulières, je sais pas si tu en vas parler. Non, je vais sûrement pas en parler, vas-y. En gros, c'était très très tendu au sein du groupe à cause des problèmes d'ego, de drogue et tout ça. Et du coup, ils ont réussi à accoucher de cet album-là. C'est Karl Barat qui a porté le projet à bout de bras, parce que Pete Doherty était une grosse épave. Mmh. Et il est sorti, voilà, et pendant la tournée, après, le groupe s'est séparé, bien sûr, et tout ça. Karl Barat a fini les États-Unis sans Doherty. Enfin, voilà, c'était bizarre, mais... Ouais, c'est ça, en fait. Doherty, à cause de ses problèmes de drogue, s'est fait virer des Libertines. Il a, entre-temps... fondé les Baby Shambles, hein, c'est de là que c'est grâce à ça qu'il a fondé, ou à cause de ça, je ne sais pas, qu'il a fondé très bon les groupe. Baby Shambles. Et entre temps aussi, il était vraiment en colère contre Karl Barat, il avait cambriolé sa maison et à cause de ça, il avait fait de. Il a cambriolé sa maison. Ouais, il avait fait de la tôle et tout. Bref, et je vais terminer par des potins. Est-ce que vous avez vu quelques nouvelles de Pete Doherty, tout du moins ce qu'il a fait l'été dernier? Moi, ça m'a bien fait marrer quand j'ai vu ça. Il a grossi. Si vous cherchez Pete Doherty. Il Paris, à la... non? Non, il était à la plage, et à côté, sur une photo, à côté de qui on le voit à la plage? Dis-nous. Une belle photo avec Pete Doherty et Evangeli. Oh là là, voilà. Elle en a profité pour faire une petite photo avec un Pete Doherty qui a l'air assez clean, hein, sur la photo. Ouais, mais il est tout gros maintenant. Maintenant, bah, je sais pas, il avait l'air un peu tout sec. Ouais, il a pris un peu du coup. Maintenant, il a pris du coup et il fait genre vraiment ex-drogué, quoi. Ouais, voilà. Jason, on continue? Eh bien, bien sûr, on continue. Alors, on va continuer avec MGMT, avec MGMT. Les deux prodiges... qui s'appelle Andrew Wingarden, ses potes l'appellent Wingardem Leviosa d'ailleurs. C'était gratos. Il faudrait qu'il change de pote à mon avis. Il a un bon pire. Également Ben Goldwasser. Que ses copains appellent Goldwasser Leviosa. Ce sera donc une chanson de l'album Oracular Spectacular. Leur premier album, donc le meilleur, moi je trouve. The Best. Voilà. The Best. Pieces of What. On s'écoute ça tout de suite. We'll be right back. et c'était Pieces of What, une chanson qui détonne un peu du reste de l'album, je trouve, ouais. Dont la majorité des titres avaient une consonance un petit peu plus électro, alors qu'ici on a principalement de la guitare et la voix de ce cher Andrew, qui donne un rendu assez mélancolique, je trouve, à cette chanson. Ah, moi j'adore cette chanson. Elle est très belle. Parce que je trouve que ça fait un petit peu comme une complainte, sa façon de chanter, ouais. je sais pas, ça fait quelque chose. Une chanson de la fin du monde. Et donc, fidèle au reste de l'album, hein, certaines paroles restent très obscures, comme l'atteste le dernier couplet, que je me suis permis de traduire. Vous savez, lorsque j'ai bu ton thé, et cette eau peu profonde et calme, aux portes de la Belgique, j'attendais mon repas. Alors voilà, on le prend comme on veut, voilà. Assez engagé quoi. Quand même. Hein. Assez engagé, ouais. Mais ils ont pas froid aux yeux quand même. Ça hein. Balance. Peu, et ben on va continuer dans la chanson engagée, puisqu'on va parler des Clash. Ouais. Le fameux. Alors, c'est une chanson qui aurait pu être dans notre émission post-punk de la semaine dernière. Exact. C'est Hateful que j'ai choisi. Hateful des Clash. Ah, et là, je vous entends déjà dire ouais, les Clash, les bananes, pardon, c'est du punk. Moi, je suis pas d'accord. Parce que si on écoute bien l'album. L'album London Calling, dont est tirée la chanson, ça a vraiment rien à voir avec l'esprit de 77. Je vous propose d'écouter ça tout de suite, alors pas vite après. Voilà, alors ouais, celui-là il est peut-être un peu punky, mais quand même l'album il passe par plein d'horizons musicaux différents, hein, du ska, il y a même du rockabilly, du reggae, de la pop, de la soul. C'est un peu le chef-d'œuvre des Clash et c'est quand même pas rien hein, quand on voit leur discographie. Bon, avec quelques petites erreurs, mais quand même une très bonne discographie. Pour en revenir à Hateful, du coup, c'est l'histoire tout simplement d'un mec qui parle de lui et de son dealer. Anything I want, he gives it to me. C'est assez facile à comprendre. Et au niveau musical, en fait, ce qui est intéressant sur cette chanson, c'est que c'est un hommage à Bo Diddley et à son fameux Diddley Beat. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du Diddley Beat. C'est la batterie, ça Non, c'est la batterie c'est et la batterie, guitare et tout ça, en fait. Je vais essayer de vous le faire en tapant sur la table. Pardonnez-moi si c'est pas exactement ça, mais ça donne un peu ça. Voilà. Et en fait, c'est un truc hyper connu dans la musique populaire de nos jours. Du coup, je vous ai trouvé quelques petites chansons qui utilisent ce Diddley Beat. Vous allez voir, il y a vraiment de tout. Alors il y a du coup Hateful des Clash et Rudy Canfield aussi utilise ça. Qui est aussi très très bien. Qui est aussi très très bien. Et à noter d'ailleurs que Bo Diddley faisait la première partie des Clash pendant leur tournée américaine sur cet album là. Voilà. Il y a aussi Boom Boom Pow des Black Eyed Peas. Ah très bien, bien. Facile. Il y a quoi d'autre? Close to Me des Cures. Tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Il y a aussi Osé Joséphine de Bachung. Il y a aussi Cette année-là de Claude François. Non mais c'est vrai tout ça. Ah bon. How Soon Is No des Smiths. Ouais, 1969 bon, des Stooges. It's 1960. Enfin il y en a vraiment des milliers. Vous regarderez sur internet, il doit y avoir des listes de ça qui utilisent voilà, le Bo Diddley. Donc c'est un truc assez, assez important en musique. Alors désolé de chambouler tous vos plans hein, les mecs, mais je vais mettre un petit peu d'électro. Hein, ah, voilà. Ouais, youpi. Alors youpi, je dis électro mais... Je dis électro, mais je sais qu'il y a plein de sous-genres d'électro, et comme je m'y connais pas, je vais juste dire que je mets de l'électro. Hein, voilà, vous m'en voulez pas. Donc, on va s'écouter du Kill Paris. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur le type, hein, je vous avoue. Cory Baker, de son nom, hein, quelques albums et quelques EP à son actif. Bon, en fait, j'avoue que je connais qu'un seul morceau de lui, hein, à savoir le morceau Catch You. Alors, c'est de l'électro, ça plaira peut-être pas forcément à tout le monde, mais je pense que mes deux petits camarades autour de la table vont très vite reconnaître le morceau. Alors, attention, il y aura interro après, donc on s'écoute Catch You par Kill Paris. On s'écoute ça tout de suite. C'est la fin du partiel, je relève les copies. Est-ce que vous avez reconnu d'où vient ce morceau? À vos propositions, Jason. Alors moi, je l'ai déjà entendu, c'est sûr, mais de dire là d'où il vient, je sais pas, je dirais une pub pour une voiture. C'est pas une pub, non. Ouais, moi ça me faisait penser aux musiques des cinémas, genre photo qu'avant, rue du Marchix. Ouais, bah non, attends, j'ai l'impression qu'il y a un cours des miracles. Je m'adresse aux gens qui regardent. Alors en fait, il s'agit de la musique qu'on entend à la fin des vidéos de l'un qui était racide. Ah, vous savez, le duo de youtubeurs de vidéos. Et en ce moment, je me fais un marathon de leurs vidéos. Donc je re-regarde tout depuis le début. Du coup, je me tape cette musique en boucle. Et fallait que ça sorte, en fait. Hein, ça me revient en tête tout le temps. Alors, si vous connaissez pas, c'est, ils font des vidéos unboxing. C'est une chaîne de jeux vidéo qui font des vidéos unboxing sur le fromage et les charcuteries. Hein, voilà. Oui. Mais en fait, je vous avoue un truc. Je vous ai menti. Quoi ? Parce que l'artiste ne s'appelle pas Kill Paris. Enfin, plus depuis les attentats de Paris, en fait. Ah d'accord. Ouais. Oui, si t'avais dit son vrai nom, j'aurais trouvé aussi moi. Ah oui, et donc son vrai nom c'est quoi ? C'est Kill Bangladesh. Il a préféré changer de nom à cause des attentats de Paris et son nouveau nom est pas terrible, je trouve, c'est Chill Harris. Wow. C'est nul. Voilà. Chill du verbe chiller, oui. Netflix et Harris du verbe Harissa. Et en fait putain, j'ai l'impression de Cyril Hanouna là. Oui, merci. et en fait à l'origine Kill Paris c'était une référence à Paris, le personnage de Roméo et Juliette, mais Juliette pas mais Paris, il a préféré c'est pas le frère, le cousin de. Je ne sais pas, mais tu me diras ça la prochaine fois si tu veux. Et il a préféré changer au vu des événements, voilà. Donc c'était violent. Je me suis dit que ce serait sympa de mettre un petit peu d'électro pour une c'était fois. Sympa, c'était sympa. Et oui, bah, tout de suite, on passe à l'artiste préféré de Vincent. Il s'agit de Serge Gainsbourg, bien sûr. Serge Gainsbourg, donc une chanson tirée de son album numéro 4 qui s'appelle album Gainsbourg numéro 4. Voilà. Ce sera bien sûr Black Trombone. Chanson un petit peu jazzy que j'aime beaucoup et on va s'écouter ça tout de suite. Je vais faire pipi. Black trombone monotone, le trombone c'est joli, tourbillonne, gramophone et bâillonne mon ennui. Black trombone monotone autochtone de la nuit, Dieu pardonne la mignonne qui fredonne dans mon lit. Black trombone monotone, elle se donne à demi nu, frissonne, déraisonne, m'empoisonne, m'envahit. Black trombone monotone, c'est l'automne de ma vie. Plus personne ne m'étonne, j'abandonne, c'est fini. Ah là là, cette trompette qui s'envole, c'était incroyable. Moi, j'adore ce morceau. Ouais, ouais. Et donc, c'était voilà, The Black Trombone de Gainsbourg numéro 4. Donc, cet album qui comporte des titres tout aussi forts comme Baudelaire, Intoxicated Man ou Les Cigarios, que j'aime beaucoup aussi. Période jazzy donc qui va se terminer avec son prochain album qui sera Gainsbourg Confidentiel, qui pour le coup portera très bien son nom parce que ce sera un énorme bide. Ouais, c'est très confidentiel. Gainsbourg a fait des bides. Dans ses débuts, vous m'apprenez quelque chose. À ses débuts, c'était pas les Gainsbourg tels qu'on connaît aujourd'hui. Même c'était Nazi Rock et tout, ça marchait pas. C'était un jazzman pas très connu au final. Et donc, il va déclarer, alors ce sera une de ses phrases les plus connues, « J'ai retourné ma veste lorsque je me suis aperçu qu'elle était doublée de visons. Et c'est là qu'il a passé à autre chose que le jazz. C'est quand on lui reprochait de, d'écrire pour les yéyés des trucs un petit peu bateaux pour la radio, quoi. Et moi, j'enchaîne avec une espèce de Madeleine de Proust, hein, puisque c'est une émission sur l'amour et une émission où on se révèle. C'est marrant parce que, on habitait tous, hein, je pense autour de cette table, dans des coins perdus, paumés, où il se passait jamais rien. C'est toujours le cas. Où c'était d'un calme plat et linéaire. Et nous, on écoutait des trucs comme ça et on se prenait pour les plus rebelles de la planète. System of Down, Toxicity, on s'écoute ça tout de suite. Ah, les années 2000 avec le new metal. D'un côté, il y avait les bons dans le new metal, genre System of Down, Slipknot, trucs comme ça. Ah oui. Et de l'autre côté, il y avait Limp Bizkit. Je sais qu'il est de bon goût de se cracher sur Limp Bizkit, mais j'avoue qu'à l'époque, j'adorais Rollins. Ça me faisait vraiment kiffer ce genre. C'est semi-Rollins, c'est semi-Hating. C'est Hating. Pour en revenir à System, du coup, l'album Toxicity a été un super, super gros succès, vraiment un super album avec plein de chansons trop bien, genre À Toi, Psycho. Enfin, je peux pas vous faire toute la tracklist, je la connais pas par cœur, mais il était vachement bien. Et ce qui est sympa avec System, c'est que le groupe a une influence très large, du coup, ils ont un son assez unique. Faut savoir qu'ils sont arméniens et américains, américano-arméniens. Le chanteur s'appelle Serge Tankian et il a une voix assez incroyable, il peut monter jusqu'à 4,2 octaves. qui est assez énorme. Ah oui, c'est un peu bâtard même. C'est un peu bâtard, ouais. Il est capable de rapper, après il peut chanter baryton et après il peut avoir une voix toute douce. C'est assez incroyable sur les morceaux. Du coup, ça enchaîne gros moment de... Et après, gros moment de... T'as l'impression que le mec, que c'est une couverture, tu sais, qui vient d'être lavée avec de la mousseline et tout ça. Enfin, c'est un truc assez incroyable. Mais voilà, je voulais parler de cette chanson parce qu'elle me rappelle les dimanches matins où, pour faire chier les chasseurs, je mettais System of Down à fond. Elle me rappelle les parties de Tony Hawk, les parties de Guitar Hero, les vacances chez mamie, les MP3 128 mégas. Donc voilà, ça me fait plaisir de parler de ça. Ah, et c'est mignon. Dernier truc sur System of Down, ils avaient des chansons très engagées sur la société américaine. C'est un groupe qui gagne à être connu. Bon, moi je vous propose qu'on retourne à une période que j'ai bien connue, hein, les années 70, avec un petit Captain and Tenny, là, c'est un duo pop américain. Alors leur plus grand succès, c'est une reprise d'ailleurs, hein, et c'est le morceau que j'ai choisi de vous faire écouter, c'est Love Will Keep Us Together, un carton, hein, peut-être que vous connaissez, non, vous allez peut-être pas reconnaître, peut-être. Un carton tellement énorme qu'ils en ont fait une version espagnole aussi, alors c'est un choix un peu bizarre, vous allez me dire, mais tant pis, j'accepte les critiques. Et on écoute la version espagnole ou pas? Non, on s'écoute la version originale de Captain and Tenny. Et donc on s'écoute tout de suite Love Will Keep Us Together par Captain and Tenny. Vous la sentez, hein, cette pop qui suinte des années 70. Ah là, ouais, c'est quand ça suinte des torches poilues et des pattes d'éléphant. Ouais, et justement, j'ai redécouvert ce morceau en regardant, je sais pas si vous connaissez, la série Legends of Tomorrow, c'est une série dérivée d'Arrow et The Flash. C'est pas une série ouf, mais en fait, les héros remontent le temps en 1975, ils sont dans un bar, et il y a une bagarre qui éclate sur cette musique, et ça rend très très bien, curieusement, voilà. Alors, le duo se compose de l'homme, Captain, hein, son surnom, et de la femme, Tenil, son surnom aussi, bien sûr. Et pour la petite anecdote, eh ben, Captain, de son vrai nom, Daryl Dragon, bon déjà, c'est un peu plus moche. Daryl Dragon, oh, c'est marrant. Daryl Dragon, ouais. Il a en quelque sorte débuté en tant que clavieriste pour les Beach Boys. Ça se dit clavieriste. Ah, c'est bien sur un CV quand même. Clavieriste, oui, ça se dit clavieriste. Ouais. Ok, très bien. Et il a justement hérité de ce surnom par Mike Love des Beach Boys. Et le truc assez dingue, c'est que le morceau a eu un succès assez monstrueux. Ils ont été invités à la Maison Blanche pour le chanter. Ils ont même eu une émission de télé grâce à ça. C'était un mélange de chansons et de petits sketchs, tu vois. Et j'ai failli même mettre à la place la cover de Nickelback à la place. Mais oh, non, je vous respecte assez pour ça. Il n'existe pas ce groupe. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus sur les commentaires YouTube de Love Will Keep Us Together. Il y a plein de gens qui sont persuadés d'avoir trouver la bonne blague du siècle en disant lol, si love will keep us together, eh bien love will tear us apart aussi, tu vois. Love will tear us apart en référence facile à la chanson de Joy Division. Et ben justement, ils ont pas si tort que ça, parce qu'on en a parlé à la dernière émission de Joy Division. De Joy Division. Ian Curtis a justement écrit Love Will Tear Us Apart en réponse à ce morceau de Captain and Tenille. Ah, tu c'est vois, excellent. Donc, ça, voilà, c'est une bonne anecdote. Ça. Ouais, travail d'investigation, référence à l'épisode précédent, professionnalisme avéré, je drop le mic. Et oui, et tout de suite, je vous propose d'écouter une chanson. Je viens d'avoir un orgasme radiophonique, je tiens juste à le dire. Oui, tout de suite, je vous propose d'écouter une chanson. J'arrête de parler comme ça. Une chanson. Des Arctic Monkeys. Donc de leur premier album. D'aucuns diront que c'est le meilleur, je ne sais pas. Whatever people say I am, that's why I'm not. Exact. On s'écoute tout de suite. Marley Brown. It's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer as one verse. Laughs and jokes around, remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got a face on. Without a money boom, oh, I'm in trouble again, aren't I? I thought as much, 'cause you turned over there. Pulling that silent disappointment face, the one that I can't bear, well can't we? Just laugh and joke around, remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was, but I missed the train and then the traffic was a state. And I can't be asked to carry on in this debate that reoccurs. Or when you say I don't care, but of course I do, yeah, I clearly do. Cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. C'était donc Mardi Bomb Alors, je me suis rendu compte en étudiant un petit peu cette chanson que, raconte-nous, que la traduction en fait que j'en avais faite, ma propre traduction était un petit peu erronée parce que donc, ça s'appelle Mardi Bomb. Mardi Bomb, ça peut vouloir dire fessier. Fessier, ouais. Mais et là en fait on comprend que, enfin moi j'avais compris que s'agissait très clairement de une chanson sur une fille quoi, et que Mardi Bomb ça aurait été son cul peut-être. Ouais. Maintenant j'apprends que c'est ça, en fait Bomb ça fait référence à un clochard. Donc, ah oui, exact. Donc mais avec les paroles, je trouve ça vraiment très chelou en fait parce que il parle d'une relation avec une personne, du coup bon, ce serait peut-être un clodo. Très bien. Bon, sinon l'album en lui-même, hein, je m'y connais pas assez en Arctic Monkeys pour mettre un vrai jugement, mais peut-être que Noé pourra nous éclairer là-dessus. Ah ouais, c'est vraiment mon album préféré d'Arctic Monkeys, c'est très commun, mais c'est vrai qu'il est super bien, il y a une ambiance dans cet album, puis même par rapport au moment où il est sorti, déjà c'était un incroyable succès, c'était l'album qui a été le plus vendu, il a battu le record lors de la première semaine, il a battu quand même les Beatles, c'était les Beatles qui avaient ce record-là, le plus vendu la première semaine, alors qu'il faut savoir c'est que l'album avait fuité et était disponible déjà depuis une semaine gratuitement sur internet. Donc ils ont vraiment tout défoncé, et puis il est génial en fait, ça m'étonne pas qu'il parle d'un clochard, il parle aussi des prostituées, il parle en fait de sa ville, il a un regard assez ironique et critique et en même temps amoureux de sa ville, et c'est ce qui fait je pense la grande force de l'album et d'Alex Turner, sans compter la musique qui est géniale. D'accord, bah merci, c'est clair. On enchaîne avec les Pixies. On va aux États-Unis, on s'arrête en 1989 avec un groupe de légende et un album de légende, tout de suite c'est LD Pixies et on s'écoute ça tout de suite. Been trying to meet you. We'll be right back. Et voilà, c'est quand même cool hein, le jeu de base de Kim Gordon. C'est simple, c'est rond, c'est carré, c'est assez jouissif, je trouve. Ah non, si c'est rond, c'est pas carré. Oh, mais c'est excellent ce que tu viens de si dire. Si c'est rond, le philosophe. Allez. Alors, oui, c'est vrai qu'on résume souvent les Pixies à Where Is My Mind. Mais en fait, c'est un groupe vraiment génial. Hein. Il n'y a pas que ce morceau-là, au contraire. Moi, j'ai pris Hey, qui est tiré de l'album. Putain, j'ai pas marqué le nom de l'album et j'ai un trou de mémoire. C'est vachement préparé aujourd'hui, les mecs. Ouais, non, on a fait ça un peu à l'arrache. J'ai pris Hey, qui est tiré de l'album Doolittle, mais j'aurais aussi pu prendre du même album Gouge Away, Monkey Gone to Heaven, Mr. Grief, Crackety Jones, Debaser, ou Here Comes Your Man, ou alors There Goes My Gun. Il n'y a que des bonnes chansons, franchement, il n'y a vraiment que des bonnes chansons. Pour ce qui est des paroles, bon, on entend parler d'une femme, whore, une pute, with chain, voilà, with machin, if you go, I will surely die. Donc, on pense que ça part d'une relation, mais Frank Black a déclaré en parlant de cet album que, en fait, c'était plein de mots qui sonnaient bien ensemble et qu'il les avait gardés comme ça. Donc, normalement, il n'y aurait pas vraiment de sens. Comme je vous disais, il y a beaucoup de bonnes chansons. Et Pixies a fait beaucoup de bonnes chansons et ont influencé un paquet de monde. Alors depuis 1998, il y a 7 albums tribute qui sont sortis déjà. Et qui regroupent pas moins en tout plus de 100 groupes différents qui rendent hommage aux Pixies. Dont par exemple Weezer, OK Go, Nada Surf et bien sûr le groupe néerlandais Persil. Exactement. Ouais, oui. C'est un groupe qui s'appelle Persil, ça me faisait rire. Persil, moi je connais Ciboulette. et j'ai écouté du coup ce qu'ils faisaient, j'ai galéré à trouver. Parce que vous mettez Persil dans YouTube, vous tombez sur des vidéos de Persil. Mais en fait c'est vraiment nul. Et je vous parle même pas, parenthèse fermée, de tous les milliards d'autres groupes qui reprennent Where Is My Man sur scène, comme par exemple Kings of Leon ou alors le groupe de la fête du lycée. Ou le 21 juin. Bon, hasard de la playlist, et pour mon plus grand plaisir, un deuxième morceau de The Hives. Ouais. Alors oui, alors c'est vrai, Noé, on a une règle implicite qui consiste à ne pas prendre dans la playlist plusieurs morceaux des mêmes artistes, je sais bien. Mais là, je me suis dit, c'est open bar, alors allons-y gaiement, hein, The Hives, on en a parlé, hein, mais je vais pas m'étendre plus que ça. Le morceau que vous avez choisi, c'est ce bon vieux B is for Brutus, hein, et c'est le morceau juste après celui que tu as choisi, Jason, donc toujours dans l'album, Tyrannosaurus, Hives. Ouais. Et donc c'est parti pour B is for Brutus, on s'écoute ça tout de suite. Saying that a lot. Une belle chanson à propos des traîtres, hein, Judas, Brutus. Alors, ce que j'aime bien dans The Hive, c'est leur jeu de scène hyper énergique. Je sais pas si vous les avez déjà vus sur scène. Aussi. Ouais, cette façon. Déjà, ils mettent des vieux costumes noirs et blancs. Ça, c'est... Bah, je trouve ça génial. En plus, ils changent à chaque album de costume, c'est marrant. Ouais. Et je sais pas si vous avez déjà vu cette façon qu'ils ont de friser au milieu de certains morceaux. Oui. Ouais. Au milieu d'un morceau, ils arrêtent tout, ils fichent tout pendant une minute. Et c'est assez marrant de voir ça. Ils avaient fait ça sur Tick Tick Boom parce que la chanson se prêtait bien, justement. Mais je pense qu'on a déjà suffisamment parlé de The Hives, donc je pense qu'on peut enchaîner directement à Jason. D'accord, bah ça marche. Bah moi, je vais vous proposer une chanson de Tame Impala du dernier album. Je sais pas si vous allez écouter le dernier J'écoute album. Pas du tout, Tame Impala. Pas tu vas écouter un peu. Voilà, bah le dernier album est sympa et je voudrais vous faire découvrir The Less I Know, The Better. Voilà donc un petit aperçu de Current, ce nouvel album de Tame Impala qui est sorti l'année dernière. Tame Impala donc, hein, je rappelle un petit peu pour les néophytes, un groupe assez jeune australien qui vient de Perth. Et, de Perth dans le Connecticut. Perth, et voilà, c'est assez c'est psychédélique, hein, c'est pas mal, comme vous avez pu l'entendre. Et j'aime beaucoup, donc je voulais juste vous proposer cette petite chanson. J'écouterai l'album et je te ferai part pour la suite de tous mes ressentis. On enchaîne sans plus attendre avec, ce sera mon dernier morceau. C'était le dernier de Jason d'ailleurs avant, on l'a pas dit, mais et après il reste quand même un morceau de Vincent. Tout le temps moi en dernier. Hein. Le meilleur pour la fin. Moi, je voulais vous faire écouter un petit roast beef qu'on a surnommé à ses débuts le One Man Arctic Monkey Operation de Jamie T. On s'écoute ça tout de suite. Vauxhall Allegro over, Delta Oscar over, Peter, Siva receiving. Siva Peter, reiterate it, Peter. Peter, Peter, over, over and over. Over and over, yes, Peter, Cedar, Peter, Peter, Peter, Peter, over. Knocker. Ugly left with your face in the morning. You screamed at the back, told her just jack by how you lived on the weekend. Killers in mist, told you about it years before you answered. The whole of the point, the real the day is past and now you're finished. You scream like nothing's wrong. Sons of silence ring them songs out loud for the reservation. It's all thrilling, all filler, and a beacon out the line three or four times since the first time that you say it's all filler, no thriller. Found, I'll find you when you hit the ground. us around. You scream like nothing's wrong. Sons of silence sing them songs out loud for the reservation. It's all thrilling, all filler, and a beacon up the line. Three or four times. It's the first time that you say it's all filler, not a thriller. If I feel eight, a gin and tonic is my drink of choice. A cup of cocoa and bed. Party animal, me. I'm a fan of breaststroke. It's easy, but front crawl's better for you. I'm a vegetarian. Good question, Jamie. I like lots of things. But yeah, basically, I'm a big dirty Hugo. Hugo! Hugo! Ce qui signifie bien sûr, je voudrais un Big Mac s'il vous plaît, supplément sauce blanche, non il n'y en a plus, je suis désolé, ah bon c'est pas grave, j'irai voir ailleurs alors, ok ça marche, tu pars. Alors, Jamie T, tu pourras couper si tu veux. Ah bah non. Jamie T est un excellent artiste, il mélange plein de trucs pour faire son propre son, je trouvais que cette chanson était un petit peu la synthèse, mais encore, il faudrait écouter en fait tout un album entier pour s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il va vous faire une pop song un peu acoustique, après il va faire un truc un peu rappé à la genre de Streets, après il va faire un morceau très punky, après un morceau plutôt Britpop, et je trouve excellent, et je comprends pas pourquoi il a eu plus de succès en France. Moi je connais ça par un copain à moi qui était anglais, et du coup qui écoutait plein de trucs, parce que lui il a bien marché en Angleterre, il écoutait plein de trucs anglais, mais en France on entend absolument jamais parler de Jamie T. Je confirme. Alors qu'en ce moment il y a un groupe qui est assez hype, dont on commence à entendre parler pas mal, qui s'appelle Rat Boy, c'est un groupe anglais aussi, et franchement ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Jamie T, et pourtant il y a de plus en plus de gens qui écoutent ça en France, donc c'est assez bizarre. En tout cas, Jamie il tourne toujours là, il vient de finir la dernière saison de avec Fred là, de et la petite voix et Sabine de Separat Sorcier. Donc voilà, et il a sorti un album aussi il y a 2 ans qui était pas mal, qui était un petit peu moins diversifié mais qui était bien, qui a eu un beau succès en Angleterre, qui a gagné des NME Music Awards, il en a gagné 3 ou 4. Donc voilà, c'est un artiste qui mérite vraiment d'être découvert, il vient de fêter ses 30 ans bien sûr, mais voilà, je vous conseille fortement Jamie T. Ça va être l'heure de nous quitter, ça va être la dernière chanson bientôt après. Ouais. Est-ce que Jason, tu as bien aimé cette émission ? J'ai passé un très bon moment. Merci en votre compagnie venu. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Ah toujours, tu sais que quand tu es là, c'est toujours un meilleur moment. Tu es de merci. Très bonne compagnie. Ah. Merci. C'était pas une émission, je vous l'avoue, très très préparée. On s'y est tous pris. On voulait faire un truc à la. On voulait surtout faire un truc à la cool sans se prendre la tête. J'étais là, donc c'était l'occasion de faire un truc un peu. Ouais, en fait, voilà, c'était pour tester avec des invités. Et puis c'est cool. On peut relâcher. C'était pas bien calé pour les heures et tout ça. C'était un petit peu à l'arrache. Mais bon, on va essayer de trouver un thème assez sympa pour la semaine prochaine, Vincent. Ouais, je sais pas, faut qu'on voit une période, un groupe, ou les One Hit Wonders, on en parlait, je ne sais pas. Je ne sais plus. Proposez-nous vos thèmes aussi sur la page Facebook. Hein. Et puis quand on aura sélectionné ça, on vous mettra des petits indices. D'ici une ou deux semaines, normalement l'émission devrait arriver. Voilà, qu'est-ce qu'on s'écoute, Vincent, pour finir ? Alors c'est à moi de terminer cette playlist, et moi ça me plaît. Hein. J'ai encore choisi un morceau bizarre, et du coup, pour le coup, il est vraiment bizarre celui-là. Alors mes chers acolytes, est-ce que vous connaissez Death Grips ? Death Grips, c'est un groupe de hip-hop expérimental américain. Alors du trip-hop. Ouais, Vincent qui écoute du hip-hop. Il y a du hip-hop expérimental, il y a du punk, il y a des bruits, il y a plein de trucs. Et ils ont sorti quelques albums fort sympathiques, hein, si vous aimez le style. Et après une petite période sans album, sur le compte YouTube du groupe, ils ont posté de manière complètement anodine, c'était le hasard total, un album intitulé I Always Been Good at True Love par le groupe The Eyeless. The Eyeless, ça veut dire The I Love Yous. Hein, voilà. Donc l'album est complètement sorti de nulle part et on ne sait pas qui est derrière ce groupe. Et on a découvert en fait que c'était justement un side project de Death Grips. Hein, ils ont caché ça, les petits malins. Alors l'album est pas ouf, mais il y a des petits morceaux sympas, hein. J'ai choisi All She Does Is Kill Shit, hein. Écoutez bien, c'est un peu psyché, il y a de l'orgue, de la grosse guitare, et en tout cas ça m'arrange de passer tout de suite en dernier, comme ça, si vous n'aimez pas, vous allez pouvoir couper l'émission tout de suite. Hein. Bon, on fera jamais ça. On va se dire au revoir. Salut. Hein. Merci Jason, au revoir. Ah, merci à vous. Merci à vous les auditeurs. Et on s'écoute The Eyeless avec All She Does Is Kill Shit. Kiss shit. The front to the back, the front to the back, the front. product. All she does is kill the shit. With her back to the front, back to the front to the back. All she does is kill the shit. With her front to the back, to the front to the back to the front. All she does is kill the shit. From the back to the front, from the back to the front to the back. All I do is deal with it. Talk myself through with it. Had a bad mood with it. Get as close as I can get. You don't have to steal it from me. I don't even like money. Push me into nowhere. Now I wanna stay there. All she does is kiss shit. The front to the back, the front to the back, the front. All she does is kill the shit. With the back to the front, the back to the front to the back. All she does is kill shit. From the front to the back, to the front to the back to the front. All she does is kill the shit. From the back to the front, the back to the front to the back. And the day is so trashy. Pull me out of nowhere. I don't wanna go there. All she does is kiss shit. From the front to the back, from the front to the back to the front. All she does is kill the shit. From the back to the front, from the back to the front to the back. All she does is kill shit. From the front to the back, from the front to the back to the front. All she does is kill the shit. From the back to the front, from the back to the front to the back. All I do is deal with it. Talk myself through with it. Have a bad mood with it. Get as close as I can get. All I do is deal with it. Talk myself through with it. Have a bad mood with it. Get as close as I can get. You don't have to steal it from me, from me, from me. I don't even like money, money. Push me into nowhere. Now I wanna stay there. All she does is kiss shit. The front to back, the front to back, the front. All she does is kill the shit. Back to front, the back to front to back. All she does is kill shit. The front to back, the front to back, the front. All she does is kill the shit. From the back to front, back to front, back.